salissent dans les médias, j'ai repéré l'ennemi. C'est seulement pour du pétrole qu'ils sont partis bombarder l'Irak et la Libye. Ils me sirènent, on lâche rien. On trouve à sommeil que lorsqu'on libérera le peuple palestinien. Danse comme un chaoui, beloumi, beloumi. Peuple d'insoumis, père de bouchimie. Pervers monnaie, arabe monnaie. Cesse de la ramener, ramène ton corps sur la piste et danse comme un chaoui.